Dans ce bassin où jouent des enfants aux yeux noirs, il y a trois continents et des siècles d'histoire. Des prophètes, des dieux, le Messie en personne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a l'odeur du sang qui flotte sur ses rives et des pays meurtris comme autant de plaies vives. Des îles barbelées, des murs qui emprisonnent. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Il y a des oliviers qui meurent sous les bombes, là où est apparue la première colombe. Des peuples oubliés que la guerre moissonne. Il y a un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée. Dans ce bassin je jouais lorsque j'étais enfant. J'avais les pieds dans l'eau, je respirais le vent. Mes compagnons de jeu sont devenus des hommes. Les frères de ceux-là que le monde abandonne en Méditerranée. Le ciel est endeuillé par-dessus l'acropole, et liberté ne se dit plus en espagnol. On peut toujours rêver d'Athènes et Barcelone. Il reste un bel été qui ne craint pas l'automne en Méditerranée.